pour ceux qui grattent, qui volent. Je représente le ghetto, le crapulent, taxi qui zone. Je t'étonne, je nique les traites qui donnent. Mais pas 30 chez toi pendant que tes voisins y dorment. J'étais au check toute la journée, j'avais même pas ce que je voulais. Le matin, les petits cagoulés, les mamans étaient chamboulées. On passait qu'à fumer, à saouler. Ce qu'on disait, on l'assumait. On s'insultait quand c'était mal luné. Désolé, je pouvais pas t'assumer. Ils veulent marcher sur nos reins. Y'a les civils sur nos reins. T'es nouveau au quartier, depuis quand tu veux marcher sur nos règles? Et regarde ce que je vis. Tous les jours, je m'ennuie. La presse, moi, je la fuis. Elle me colle, je fais pour fuir. Et regarde ce que je vis. Tous les jours, je m'ennuie. La poisse, moi, je la fuis. Elle me colle, je fais poursuivre. Y'a TR sur le terrain, on s'aère, faut pas en faire. J'crois qu'on dérange. Sur grand père, qu'on m'observe, moi je serre, j'accélère, j'trouve ça étrange. J'picole pour ceux qui grattent, qui volent. J'représente le ghetto, le crapulent, taxi qui zone. J't'étonne, j'nique les traites qui donnent. Mais pas 30 chez toi pendant que tes voisins y dorment. J'ai pas confiance, on m'a dit. Évite les coins où ça tire. J'ai pas le temps pour tes blabla. Faut que je trace j'ai un avenir à bâtir. Christian Dior, Dolce Gabbana, Lacoste, Prada ou Versace. J'peux durer que j'pensais tout le temps à ça. Ancien au quartier. Maintenant ça te fume pour pas cher. Tu peux te faire trahir par ta chair. Tu me défauches, merci. T'assures, est-ce que tu m'hébergeras le jour où ça me cherche? J'suis blessé, tout le monde le sait. J'suis trop fumé là, j'vois les étoiles. Et dès que tu te manques une fois, on tire. Ou bien passe trop tard, j'plus besoin de toi. J'picole, j't'étonne. J'picole, j't'étonne. J'picole, pour ceux qui grattent, qui volent. J't'étonne, j'nique les traites qui donnent. J'picole, pour ceux qui grattent, qui volent. J'représente le ghetto, le crapulent, taxi qui zone. J't'étonne, j'nique les traites qui donnent. Mais pas 30 chez toi pendant que tes voisins y dorment. Pour ceux qui grattent, qui volent. J'représente le ghetto, le crapulent, taxi qui zone. J't'étonne, j'nique les traites qui donnent. Mais pas 30 chez toi pendant que tes voisins y dorment.